viendra la fin de l'été. Il restera sur cette plage un chant d'amour, un chant d'été. Et le sourire de ton visage. Quand viendra la fin de l'été, si ton cœur est toujours pareil, moi je saurai encore t'aimer comme aujourd'hui sous le soleil. Nous avons tout partagé. Tu me demandes déjà si notre amour ne durera qu'un seul été. Mais non, je ne partirai pas sans t'avoir à mes côtés. Quand viendra la fin de l'été, je t'offrirai un ciel nouveau. Car je voudrais t'en pas oublier. Tes yeux me demandent des si notre amour ne durera qu'un seul été. Mais non, je ne partirai pas sans t'avoir à mes côtés. Quand viendra la fin de l'été, il restera le souvenir d'un chant d'amour, d'un chant jamais mourir. Un chant d'amour.